cansada. Cansi, cansi, cansi, cansa. Avec un petit peu plus d'amour, ça ira mieux, ça va toujours. Va danser le soir, mets ton cœur en fête. Commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Ça va les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur le 107 FM. Vous nous suivez également sur notre lien et sur la page Orange Radio, enfin sur le site Orange Radio. Alors coucou à tous nos amis Facebook. Nous sommes jeudi 5 mars, il est 16h01. Vous êtes avec Jules Ouelia dans les années bonheur. Et on vous accompagne bien sûr jusqu'à 17h en musique, en direct. Alors, hello le Québec, il est 10h. Alors, une belle journée à nos amis québécois, nos amis artistes. Et puis, des bisous à ma petite équipe. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne nous suivent également. Bonjour, Lia. Bonjour, Gilou. Comment vas-tu ? Mais je vais très bien, merci beaucoup. Et c'est toi ? Bien, mais merci beaucoup, ça va bien. Je dirais alors bonjour, bonjour Laura. Je vois qu'il y a Laura qui est là. Bonjour, coucou. Salut Chris. Chris est dans les studios, dans les tuyaux, voilà. Oui. Alors je dirais il y a J-16. Ah oui, ça y est. Hein, pour le grand show. Oui. T'as hâte ? Bah, oui, écoute, j'ai hâte de. Oui, c'est vrai quoi. Oui, bientôt on les répète. Toi aussi ? Écoute, je sais pas. Tu m'entraînes à descendre les marches, à retourner mon fauteuil frénétiquement, oh. Appuyer sur les buzz. Ah oui, tu. Tu buzzeras hein, quand ce sera mon passage. Oui. Alors, pour cette émission, un hommage à Dalida, pour cette grande, belle artiste qui nous a quittés le 3 mai 1987. Déjà. 35 ans de sa disparition. Et oui. Alors, pour vos messages, c'est comme à l'accoutumée sur nos pages Facebook, Radio Gémozo et Jumugel officiel. N'hésitez pas, laissez-nous un petit message. Vous pouvez aussi nous appeler au 03 29 62 40 40. Alors, j'aime bien quand tu dis ça. En plus, j'ai du monde pour répondre au téléphone aujourd'hui. Oh bah c'est, ça, bah oui, c'est oui, super. Bah oui, Laura, profitez-en. Voilà, vous pouvez nous appeler, nous faire un petit coucou. Peut-être avez-vous vu un spectacle, un concert de Dalida. Peut-être vous avez eu une anecdote. J'en profite pour faire un petit coucou à un voisin, oui. Michel. Je crois qu'il est à l'écoute. Et Michel, je l'ai vu dans la semaine, m'a raconté une petite anecdote avec Dalida. Ah bon ? Eh ouais. Alors, s'il a l'écoute et s'il veut nous téléphoner, il n'y a pas de problème. Il pourrait nous raconter cette petite écoute, Michel. Voilà. Appelle-nous. On nous attend. On vous attend. On vous attend, ça serait sympa. Mais oui. Voilà, donc, voilà pour cette semaine, donc un humble hommage à Dalida. Alors, Yolanda Gigliotti, dite Dalida, née le 15 janvier 1933 au Caire, Égypte, est morte le 3 mai 1987 à Paris, dans le 18e en France. C'est une chanteuse et actrice italienne naturalisée française. Issue d'une famille italienne installée en Égypte, elle participe à des concours de beauté au début des années 50 et tourne quelques films au Caire. Elle a été élue Miss Égypte Dalida. Ah oui. Ah oui, il faut savoir. C'était une très belle femme, c'est vrai. Très belle femme, c'est vrai. Alors parmi ses chansons les plus connues, on figure Comme Prima, Les Gitans, Gondolier. On va l'entendre, Bambino, on va l'entendre Bambino. Aussi, Bambino. Ah oui. Et gratte, gratte sous ta mandoline. Mon petit bambino. Les enfants du Pirée, Itsy Bitsy, petit bikini. Ah, ça, ah oui. J'aime bien aussi, moi. C'est connu, toi, la danse de Zorba. Bonsoir, mon amour. Oh, le temps des fleurs. Darla dilla dada. Darla dilla dada, c'est connu aussi. Parole, parole. Avec Alain Delon, on va l'écouter. Gigi Lamoroso. Ah, bah oui. Il venait d'avoir 18 ans. Et puis voilà d'autres belles chansons. Standard. Voilà, standard. Hein. Donc, elle a embrassé plusieurs styles musicaux d'Adida, tels que le twist, la pop et le rail. Elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco. Voilà, avec les titres J'attendrai, Besame Mucho. Ça, c'est pareil, on va l'entendre tout à l'heure. Oui. Quand on va remonter un petit peu chronologiquement un peu les dates, on va entendre. Voilà des extraits de disco. Ok. Alors, je continue. J'ai amené ma Bible. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, d'accord. Je pense que je prendrai une photo pendant la pause musicale pour montrer ça à nos auditeurs, ouais, parce que ça vaut quand même le détour. Elle est très belle. Elle est très jolie, là. Le livre est énorme. Ah, il est énorme, il y a 508 pages. Ah oui, ça fait 8 jours que je bosse dessus. T'en as la combienième? Moi, j'en suis à la 20e. Non, du début de l'autobiographie. Alors, Dalida repose près de chez elle, dans une partie haute du cimetière de Montmartre. C'est joli, Montmartre. La tombe domine Paris, en contrebas les arbres qu'elle aimait. Un lierre tenace et romantique glisse entre les sépultures. Orlando, donc son frère qui l'accompagnait, bien sûr, qui était son manager, oui, etc., producteur, oui, oui, et tout, il l'accompagnait longtemps. Il a fait sculpter par Aslan une Dalida grandeur nature. D'ailleurs, il ne s'appelle pas vraiment Orlando. Il ne s'appelle pas vraiment Orlando. Voilà, on a appris ça grâce à Laura. Tu n'avais pas besoin d'acheter ce bouquin. Mais oui, oui, mais bon. T'appelles Laura. On est fan de Dalida quand plus... même. Mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'à la limite, on aurait pu préparer l'émission avec Laura, parce que quand je suis arrivé au studio, c'est vrai, Laura... Non, mais c'est bien, voilà quoi. Alors, comment il s'appelait son frère déjà? Bruno. Oui, oui. Il a pris le nom d'un autre de ses frères. Un autre de ses frères. D'accord. Voilà. Non, il y a plein de choses à découvrir, oui, hein, c'est vrai. Voilà, alors on va écouter une première chanson. Une chanson de 1957. Ouais. C'est un premier grand succès, hein, pour Dalida, Bambino. Allez, on écoute. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, Bambino, et qu'elle a des jolis yeux, Bambino. Mais tu es trop jeune encore, Bambino, pour jouer les amoureux. Et gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, tu as l'air d'un chérubin. Bambino, va plutôt jouer au ballon, bambino, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie, Bambino, ne sont pas des jeux d'enfant. Bambino, et tu as toute la vie, Bambino, pour souffrir comme les grands. Et gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, Bambino, ne le garde pas pour toi, Bambino, va le dire à ta maman, Bambino, les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. 1957. Ah, mais c'est l'année de ma naissance. Ah, 57, oh là. Ouh là là, c'est loin tout ça. Oui, donc alors, je reviendrai pas sur la bio vraiment de Dalida. Enfin, je veux dire, je vais donner des grandes dates, des choses, voilà, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, hein, tout ça. Elle a une belle carrière, des amours aussi, bien sûr, tout le monde connaît, des amours tristes, voilà, oui. Ça n'a pas été facile. Voilà, c'était Dalida, quoi. Oui, on va pas faire une émission tragique. On va pas faire une émission tragique, hein, voilà. Qu'on puisse entendre quelques chansons, et puis. Alors, dans sa carrière, Dalida a enregistré en 10 langues, soit environ 500 chansons en français. Ah oui. 200 en italien et 200 en différentes langues. Incroyable. Allemand, anglais, espagnol, japonais, égyptien, etc. Incroyable. Oui, c'était la première femme en France à recevoir un disque d'or pour Bambino, justement. Ah. Écoutez, Bambino, première femme en France à recevoir un disque d'or. D'accord. Bambino. À l'époque, elle était dans la maison de disques de chez Barclay. Oui. Eddie Barclay, qui était bien connu. Eddie Barclay, oui. Voilà, oui. C'est lui qui a apporté, en fait, les disques, le vinyle en France, quoi. Ah, oui. Il était parti aux États-Unis et puis voilà, c'est lui qui a amené ça en France. Ça, c'était un grand, grand monsieur. C'est vrai. Alors, c'est la première artiste féminine à avoir son fan club aussi. Ah bon? des milliers de lettres par jour. Ouais. Elle a chanté Les Gitans. Bon, ça, je l'ai pas. Enfin, voilà, comme elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, donc j'ai fait un choix. Ah bah oui, tu m'étonnes. Avec cette chanson, Les Gitans, elle remporte le Coq d'or de la chanson française. Avec cette même chanson, elle remporte le Lion d'or à Berlin. Et puis en Italie, on lui remet la Louve d'or. Ah ouais. Voilà, tout ça pour Les Gitans, cette chanson qu'elle a fait. C'est pas mal, hein, c'est déjà. Voilà. Oui, et là, on est vrai. Dans les années donc 57, 58, je viens de dire 59. Voilà, donc on est dans les années 59. Là. D'accord. Voilà. Alors, on va réécouter. Enfin, on va écouter. Ah ben, voilà, Itsy Bitsy Petit Bikini. Il faut savoir que cette chanson, elle a été interprétée, bien sûr, par Dalida, elle a été interprétée par Richard Anthony, et elle a été interprétée aussi par Johnny Hallyday, si oui. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces chansons qui ont été reprises, j'ai l'impression. Oui, oui, oui, bien sûr. Et puis, bon, Laura me faisait remarquer tout à l'heure qu'elle avait une belle chanson, Je suis malade. Oui. Je ne l'ai pas sur la playlist. Mais bon, c'est vrai que bon, Je suis malade, c'est Serge Lama. Oui. Et Dalida l'a repris. Et comme me disait Laura, c'est vrai que ça colle bien cette chanson à la vie que Dalida a eue. Et voilà, c'est vrai que. C'est vrai. Très tumultueux. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors, on va écouter Itsy Bitsy Petit Bikini. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, ici, ici, ici, ni, oui, ni, tout petit, petit, bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle, ici, ici, ici, ni, oui, ni, tout petit, petit, bikini, un bikini rouge et jaune à petit pois. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Qu'a quitté sa cabine, elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines, et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit, ici, ici, ici, ni, oui, ni, tout petit, petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle, ici, ici, ici, ni, oui, ni, tout petit, petit bikini. Savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit, ici, ici, ici, ni, oui, ni, tout petit, petit, bikini. On peut la recommencer. Si c'est pas... m'excuse. En tout cas, c'est terminé. Voilà. Un titre de 1960, là. Alors, en 1963, Dalida reçoit l'Oscar mondial du jukebox, décerné en Italie à Cortina d'Ampezzo. Une autre date, 64, disque de platine pour plus de 10 millions de disques vendus. Hein, 1964 déjà, 10 millions de disques vendus. Et pareil, seule artiste féminine à l'avoir reçue à cette époque. D'accord. Disque de platine, c'est pas mal, hein. Et le 24 avril, un sondage en France organisé par l'IFOP la place en tête des chanteuses préférées des Français, avec une marge confortable devant Edith Piaf et Sheila. Eh ben, quand même. Ah oui, c'était quelque chose. Hein. En 1968, elle est élevée au rang de commandeur des arts, sciences et lettres. Cette même année, elle se voit décerner la médaille de la ville de Paris et la médaille de la présidence de la République, décernée par Charles de Gaulle. Pas encore une fois, seule chanteuse à recevoir cette haute distinction. Eh bien. Voilà. Que des grandes dates, hein, et voilà, pour cette belle carrière. Mmh. On va écouter notre chanson, bon, qui reste là dans les premières chansons, hein, de sa carrière. On est en 1958 avec cette chanson Gondolier. C'est parti. Oui. Moi, ça me rappelle cette chanson-là parce que j'étais tout petit. J'étais chez mes parents, j'ai déjà dit dans l'émission, mais mon papa avait un café, mes parents avaient un café, et il y avait le jukebox. Ah. Et voilà, j'étais haut comme trois pommes à genoux. J'arrivais quand même à mettre la petite pièce dans le jukebox. Ah. Ouais, c'était cool. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Mais c'est sûr. C'est vrai que c'est pareil quand Dalida est décédée, je me souviens très bien où je me trouvais à ce moment-là. Oui. Tu sais, c'est souvent quand il y a des grandes. Enfin, je vais parler de. Par exemple, les attentats, tu sais, du 11 novembre 2001 à New York. Et souvent on se rappelle à ce qu'on faisait à ce moment-là quand on a appris ces tristes nouvelles. Et même voilà pour c'est marquant. C'est marquant pour des morts aussi d'artistes. Bah, je me souviens Elvis quand il est mort, parce que voilà, fan d'Elvis. Bon, bah, je sais où j'étais, Didi, je me trouvais. Les Didi, tout à fait, c'est vrai. Ouais, il y avait tristes, bien sûr. Oui. Mais on a toujours c'est vrai, on se rappelle où on était. C'est vrai. Alors, 1969, à Cannes, elle reçoit le prix Midem, plus grosse vente de disques en Italie, pour l'année 1968, et en France, pour son succès, Le Temps des Fleurs. Bon, celui-là, je ne l'ai pas non plus, mais il est en train de jouer sur ma story. Ah, d'accord. C'est Lynn qui a mis la story, et puis elle a mis Le Temps des Fleurs. Génial. Voilà. Alors, 70, le prix de la popularité de Radio Hit Parade Luxembourg. Et grande oui. radio de l'époque. Hein. Il y avait trois radios à l'époque. Enfin, Radio Luxembourg, Europe 1, RTL, Monte Carlo. Oui, je capte. Et avec. Donc, elle a eu le prix de la popularité avec Joe Dassin, qui était dans la catégorie homme, lui, bien sûr. Je précise. Joe Dassin, hein, c'était bien aussi. Oui. Et voilà. Et puis. Voilà, ben je vais arrêter là. Et puis on va peut-être écouter. Je vais arrêter là pour mais on reprendra après. On va peut-être écouter maintenant. Bon, j'ai entendu donc Laura tout à l'heure qui a l'air d'apprécier cette chanson. Et en tant que telle, bien sûr, je suis malade. Oui. Hein, je l'avais pas mis sur ma playlist, mais bon, on va se faire plaisir, Laura. Hein. On va écouter donc Je suis malade, dont l'interprétation est de Dalida. Merci, Lia. Merci, Laura. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule. Bientôt 2 ans que tu t'en fous, comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût, et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis. Avant ta peau, cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade. j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricades, tantôt je suis malade. Je suis malade. Non, tout va bien, vous allez bien aussi. Non, non, mais très belle interprétation de Dalida. C'était qui vivait, chouette. Comme disait Laura, qui vivait très bien, enfin, qui est très belle interprétation oui, sur cette, qui correspond bien sur à cette vie. Chanson. Vous êtes sur Radio Gemozo dans les années bonheur, émission hommage à Dalida. Vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40. Oui. Faites-nous un petit coucou, soyez oui, pas timide. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je reviens à mes petites dates, hein, voilà, qui des grandes dates et un beau palmarès, des gros succès pour Dalida. Alors, on va l'entendre tout à l'heure, à la suite, là, oui. En 72, un duo mythique avec Alain Delon. Et ils enregistrent Parole, Parole, et numéro 1 mondial. Eh oui. Eh oui. Alors, en 1973, elle reçoit la médaille d'or. Alors ça, je sais pas ce que c'est, j'ai pas trop compris. Médaille d'or, c'est une médaille d'or. Trophée Triomphe de la chanson pour l'année 73. Prix remis par Guy Lux à Dalida, ainsi qu'à Tino Rossi pour l'ensemble de sa carrière au Théâtre Marigny. Bon, ah, vous voyez oui, beaucoup Dalida dans les émissions de Tino Rossi, de Guy Lux. Le Guy Lux. Oui, c'était une vraie personnalité publique, c'est vrai. Oui, ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il a fait les beaux jours de la télévision dans ces années-là, 60, 70, après, je sais plus trop. Après, ben, il y a aussi, bien sûr, Mariti Gilbert Carpentier, qui ont fait des belles émissions. Il y avait des beaux duos, c'était magnifique. C'est dommage. Ça nous manque. Ah, ça nous manque, oui, on a plus ces émissions. Bon, bien sûr, il y a des émissions de variété aussi, hein, mais c'est plus pareil, quoi. C'est plus la même chose. Bon, enfin, voilà, c'est comme ça, nostalgie, quand tu nous tiens. Et puis alors oui, alors, en 1975, le 14 janvier, au cours d'un unique récital à l'Olympia, elle reçoit l'Oscar mondial du succès du disque des mains de Bruno Cocatrix. Mm-hmm. Bruno Cocatrix était le patron de l'Olympia, c'est lui qui gérait la salle de l'Olympia, Bruno Cocatrix, hein, oui. Et voilà, et pour saluer sa première place au hit-parade en 1974 dans 12 pays différents, dont 9 avec Gigi Lamoroso, on l'entendra tout à l'heure, et 3 avec Il venait d'avoir 18 ans. Celle-là, je ne l'ai pas mis. En présence des représentants de maisons de disques de chaque pays. Elle reçoit aussi 8 récompenses symbolisant les ventes records en Europe de l'année écoulée. 4 disques d'or pour la France, 1 disque d'or pour l'Allemagne, 1 disque de platine pour les ventes, etc. Ah oui, un disque de platine pour les ventes de Gigi Lamoroso. Ça, c'est intéressant quand ah même. Oui. Détrônons ainsi Frank Sinatra, qui détenait les records depuis 1968-66 avec Stranger in the Night. Ah! Tu vois un petit peu, c'est pas mal. Mais oui. C'est pas mal. Alors, oui, tout à l'heure, je rectifie parce que j'ai dit une bêtise par rapport aux attentats. J'ai parlé du 11 novembre, mais c'est pas le 11 novembre. C'est 11 septembre. C'est 11 septembre. Oui, je rectifie. Oui, quand même. Oui, parce que déjà le 11 novembre, c'est aussi triste, hein, puisque le 11 novembre. Enfin, triste, oui, c'est triste. Le 11 novembre, c'est nous, on fête la. Comment je veux dire, la. La fin de la guerre, oui. L'armistice 14-18. Oui. Voilà. La prise de la Bastille, c'est ça? Non? Pas du tout. Non. On lit, hein. Ah non, c'est alors, ah oui, je m'en rappelle parce que 14 juillet 1789. Ah oui, tu t'en rappelles? Ah bah, non, mais j'étais pas. Non, mais je suis né le 15 juillet, moi. Oh, pardon, excuse-moi. Ah non, c'est pas grave. Pas en 1789. Mais mes parents, ils m'ont fait après la prise de la Bastille. Bon allez, on a dit qu'on faisait un petit peu d'humour quand même, hein, voilà, que ça soit pas triste. Alors là, on va écouter, Parole, Parole. Allez, toujours des paroles, avec Alain Delon. Parole, Parole. Oui, Parole, Parole. Des paroles encore, des paroles. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots. Toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir. Jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole encore des paroles. Que tu sais mon mot. Voilà mon destin. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon. Voilà, très beau duo avec Alain Delon. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de le 14 janvier, donc elle, en 1975, elle fait un unique récital à l'Olympia. J'ai oublié de dire une petite chose, une petite anecdote. Elle invite Maïgo Brandt en première partie de son spectacle d'Alida. Wow. Maïgo Brandt encore, ouais. Voilà, il a fait ça, Maïgo Brandt, mais bon, il... Après, c'était une belle... ouais, c'est une belle... un beau spectacle, et puis mais Mike n'avait pas encore assez de tubes, de chansons. Ah, il était tout neuf. Et, ouais, ça fait déjà quand même 4 ans qu'il chantait, il avait déjà sorti quand même des tubes. Et puis, c'est Jean Renard qui était son producteur, à Mike Brandt, et donc là, Jean Renard s'est fâché, et puis il l'a laissé, enfin, ils se sont disputés, et ils n'ont plus travaillé ensemble. Ah. Ils voulaient retravailler ensemble, et malheureusement, juste avant la mort de Maïgo Brandt en avril 1975. D'accord. Il s'est suicidé aussi. Voilà, c'est des... Que de destins tragiques à cette époque. Hein, sur les grands artistes. Hein. Voilà. Alors, je voulais dire aussi qu'elle a été élue femme de l'année au Canada par la revue Gala des artistes. Et ça devant Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est du lourd. Ça rigole pas. c'est du lourd. Ah oui. C'est vrai. Et puis, le 29 novembre à New York, elle remporte un triomphe en se produisant sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall. Eh ben, aux États-Unis quand même. Eh oui. Faut le noter quand même. Elle a dû en faire quand même des scènes incroyables. C'est pas mal, hein.

Là, on parlait de spectacle tout à l'heure de l'Olympia. Et là, c'était la première à se produire chaque soir devant 5000 spectateurs au Palais des Sports. Elle a fait 20 shows géants. Oui. 30 musiciens, 12 danseurs, 12 tenues de scène et une mise en scène signée Lester Wilson. Mm-hmm. Lester Wilson a été le chorégraphe du film Saturday Night Fever. D'accord. Avec John Travolta. Ok. Voilà. Eh c'est impressionnant quand même, hein, toute cette carrière et toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Et puis voilà. Alors là, c'est pareil, en 1980, elle reçoit le premier disque de diamant de l'histoire du musical créé pour Dalida. Mm. Pour célébrer ses 25 ans de succès, c'était remis à l'Olympia par Michel Drucker. Voilà, et on lui décerne aussi le prix Golden Europa en Allemagne. La vedette la plus populaire de l'année avec Gilbert Bécaud pour la catégorie. Voilà. C'est bien. Incroyable. Là, on a remonté un petit peu tout doucement, chronologiquement, les chansons hein, de Dalida. Bon, on le rappelle, hein, y a plein de chansons. Il venait d'avoir 18 ans, moi je ne l'ai pas mis non plus, voilà, j'ai fait un choix. Alors, mais il venait d'avoir 18 ans, une belle chanson aussi qui avait été écrite par Pascal Sevran. Pascal Sevran avait écrit cette chanson pour Dalida. Pascal Sevran, c'était le présentateur sur la 2. Oui, je me souviens. Tu bien. Te souviens de. Voilà. Alors là, on va arriver un peu dans la période disco. Hein, puisque voilà, Dalida était une des premières à faire du disco aussi voilà, en France. Donc là, ça s'appelle Génération 78, c'est tout un medley. Vous allez sûrement entendre des chansons, peut-être qu'on a entendu, peut-être qu'on n'a pas entendu. Voilà, c'est tout un medley et disco. Ok. On écoute ? On écoute. Noyé de bleu sous le ciel grec, elle m'a Un petit medley hein, des chansons disco de Dalida. En fait, où longtemps, on reprend pas mal de ses chansons hein, sur un air, super, un air disco, en fait. Ouais, oui. On a pu réécouter pas mal de chansons. Alors, encore quelques dates. En 1987, l'année de sa mort, la monnaie de Paris est dite une monnaie à l'effigie de Dalida en or, bronze et argent. Oh, bah dis donc. Ouais, ouais. Et puis, en 2001, la Poste française est dite un timbre à son effigie. Voilà, timbre, médaille, tu vois, t'es bien, bien honoré, Dalida. Alors en 2017, alors là j'avais eu l'occasion d'assister, ils ont fait un spectacle avec des hologrammes. C'est ah oui. Tout nouveau, je crois, en France. Donc c'était un spécial hit parade où on retrouvait Claude François, Sacha Distel, Dalida, Mike Brandt. Donc tout ça en hologramme. Et on est allé voir ça, je crois que c'était au Zénith de Nancy. Ils ont fait toute une tournée comme ça. Mais c'était assez... Particulier. Particulier. Non, mais après, même... ça faisait même drôle, parce que tu les vois... c'est bien foutu, ces trucs-là. Je sais pas, ils ont des caméras partout. Enfin, je peux pas expliquer, je connais rien, c'est très technique. D'ailleurs, Abba va faire ça, ou commence à faire ça, donc, en Angleterre. Oui. Avec, donc, pareil, les hologrammes d'Abba. Les hologrammes d'Abba, comme ils étaient quand ils étaient jeunes, forcément. Et ah donc, oui. ils font ce truc-là aussi. Et c'est uniquement en Angleterre, ça bouge pas, ça reste en Angleterre. Et puis, c'est aussi suite au tout dernier album qu'ils ont sorti en fin d'année. Oui. Voilà, donc pour lancer, c'est vraiment des grandes carrières. Donc voilà, ces spectacles en hologramme, c'était vraiment chouette. Hein, quoi. C'est, les voix, tout, c'est assez impressionnant ouais, quand même. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Alors là, on va écouter. Il faut danser reggae. Tiens, ça, c'est bien pas mal aussi. Ça, c'était en 1979. Voilà. On écoute. Il faut danser reggae dans la pagaille, baguette de nos jours sans couleur. Il faut danser reggae. faut danser reggae. C'était bien ça. C'est bien ça. Ah oui. Hein, comme j'en parlais tout à l'heure, Dalida a chanté beaucoup de styles musicaux, enfin différents. C'est vrai. Alors, quelle heure il est ? Oui, 16h53. Donc voilà, je voulais préciser que Dalida, au cours de sa carrière, a vendu 120 millions de disques, tous supports confondus, dans le monde, de son vivant. Et plus de 15 millions d'albums depuis qu'elle est partie. Ah oui. Ouais, c'est impressionnant. Hein, c'est vrai. Incroyable. Que, voilà. Alors, on va écouter une chanson. Tu sais, des fois, quand les artistes disparaissent comme ça, les ayants droit, enfin, oui. La famille des fois retrouve des petites pépites, mm-hmm. des petites choses qu'ils ont chantées, qu'on a peut-être très peu entendues ou qu'ils ont retrouvées. Et là, il y avait un album qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Et Dalida interprète cette chanson dans La Ville Endormie. Et cette chanson, elle a été choisie pour figurer dans la bande originale du film de la saga James Bond. Eh oui. Mourir peut attendre. C'était le dernier James Bond, je crois, qu'on a vu. Enfin, d'accord. Donc voilà, cette chanson a été choisie pour la bande originale. Alors cette chanson, elle a été composée par William Schaller en 1968. Et tu verras, enfin, si tu écoutes bien, je pense que peut-être tu vas reconnaître peut-être une chanson. Alors cette chanson, elle a été popularisée par un groupe de chanteurs américains, mm-hmm. The Irresistible. D'accord. Voilà, bon. Tu fais la recherche. Non mais c'est vrai, cette chanson, ça me trottait quand j'ai entendu cette chanson, chose. Ça me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à retrouver le groupe américain qui chantait ça, donc merci Google. On écoute, alors là, c'est bien sûr que c'est une chanson, enfin, elle l'a chantée, hein, je sais plus en quelle année exactement, mais bon, voilà, ils ont retrouvé ça, ils ont refait un CD, enfin Rolando, son frère, voilà, il a refait un CD avec quelques chansons comme ça. On écoute dans La Ville Endormie. Autour de moi, lorsque la ville s'endort, je ne vis plus que pour toi. Lorsque la ville s'endort, tous ces murs écrasés sous les toits sont un décor et les rues sont. Me poursuit lorsque la ville s'endort. Je voudrais peupler la nuit lorsque la ville s'endort. Dans la ville endormie. ville endormie. Ça t'a rappelé un petit peu l'air? Oui. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. J'en ai parlé, donc voilà, les irrésistibles. C'est une vraie petite pépite, ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, quand je l'ai entendu tout de suite, je me dis, tiens, c'est pas mal, et j'ai cherché longtemps. Voilà. Mais pour cet hommage, cet humble hommage à Dalida. Une petite heure passée ensemble. Mais oui, c'était sympa. C'était sympa. Voilà, de belles chansons. L'odeur du son, pas ce soir. Pas ce soir. Et le 20. Tous les lundis à midi oui. Et parfois le jeudi à 18h. Et le 20, le 20 mai, tu ferais pas une petite spéciale odeur le son avec Gilou? je me promouvois. Voilà. Non, mais... Je dis ça comme ça, je fais ma promo. Le vendredi 20. Le vendredi 20, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas, une petite demi-heure, je sais pas, quoi, tu vois. Quoi. Allez. Hein, pour parler un petit peu de tout ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Ou alors on inverse, jeudi. On fait ça le jeudi 19. Le jeudi 19. Dans les années bonheur. Ah oui, peut-être aussi. On interviewe aussi, oui. Gilou. Ah oui, ça serait peut-être pas mal, parce que bon, les deux prochains jeudis, je vous retrouverai pas sur les ondes. Ah bon? Non, je vais... Tu te prépares? Je me prépare. D'accord. Ah oui, je me prépare. Et puis, bien sûr, demain, on se retrouve encore ensemble dans les studios. Oui. Pas les studios de Radio Gomozo, mais dans les studios de... De répétition. De répétition. On fera voilà. Des petites vidéos. On fera des petites vidéos, des petites photos. Hein. C'est gentil. Merci pour la régie son. Bah, avec plaisir. Laura, bonne continuation. À bientôt. Amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Bye bye à tous. Portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Ça ira mieux, ça va toujours.